franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal Libération, Raymond Poulidor, un mythe français. D'abord, qu'est-ce qu'un mythe? Plus encore, qu'est-ce qu'un mythe national? Avant tout, c'est une histoire de celle qu'on se transmet de génération en génération et qui s'inscrit par les images, dans les souvenirs et les émotions et donc dans la mémoire collective. Ensuite, au cœur de cette épopée, il y a des personnages. Héros plongés dans une aventure qui, par leur action, dépassent leur propre histoire pour devenir des symboles, des incarnations, des emblèmes. Ainsi va le mythe, moment d'une époque, ciment d'un récit national. Alors, osons le dire, Raymond Poulidor, c'est un mythe. La preuve, son nom est devenu commun. Ne parle-t-on pas de Poulidor de la politique lorsqu'on évoque par exemple un candidat toujours placé mais jamais vainqueur? Car pour bâtir un mythe, il faut aussi un peu de paradoxe. Voilà sans doute le coureur français le plus célèbre, ce Poulidor, qui a notamment écrit sa légende sur la course la plus célèbre, le Tour de France, sans l'avoir jamais remporté, ni même porté un jour le maillot jaune de leader. Mais voilà, à force de courage, de volonté, d'abnégation, autant de valeurs héroïques, Poulidor est devenu une passion française. Retournons donc sur les traces d'un phénomène qui nous plonge dans la France des années 60 et 70, à un moment où le sport cycliste n'a sans doute jamais été aussi populaire. Pour en parler et aller plus loin en seconde partie d'émission, nous recevrons Pierre Carret, journaliste à Libération, notre partenaire, tous les 15 jours. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézanob avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet-Izard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle et Stéphane Roncin, à la technique aujourd'hui Antoine Gomez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Je dois vous dire, Michel, qu'aux 5 km de l'arrivée, il y aura un faux plat, même une légère descente, mais détrompez-vous, ce ne sera pas... Oui. Oui, juste à l'avant, Raymond Poulidor vient de produire une accélération ici, Merckx s'accroche, Lopez qui arrive dans sa roue, peut-être la route plus large nous permettra-t-elle de doubler avec la caméra M6 le peloton et de voir l'effort de Raymond Poulidor qui a profité d'une accentuation de la pente, on peut le dire, pour démarrer et porter une première estocade, peut-être surtout tester ses adversaires. Vous voyez maintenant Poulidor avec Lopez qui arrive, Poulidor qui relance encore son braquet, Poulidor qui va trouver là un terrain, il est en train de lâcher l'air, Raymond Poulidor, un peu comme dans les Alpes, Raymond Poulidor qui va trouver un terrain plus à sa convenance pour lutter à armes égales avec Merckx, car ce n'est pas un homme de train, Raymond Poulidor, c'est un puncheur, il a besoin d'une montée, d'une ascension nerveuse pour porter des estocades, il est parti maintenant avec quoi? Oh, une dizaine de mètres d'avance sur Eddy Merckx, à moins de 8 km du sommet, Raymond Poulidor est parti et derrière qui mène la chasse, il y a Aja et il y a surtout Eddy Merckx qui est en deuxième position. Vous allez voir Eddy Merckx. Raymond Poulidor est follement applaudi. 15 juillet 1974, 16e étape de Tour de France à travers les Pyrénées entre les Sault-d'Urgel et Saint-Lary-sous-Laon. Pour toute une génération de Français, devant leur téléviseur, ce jour-là, c'est comme si l'histoire, le temps d'une étape de montagne, renouait le fil des événements. La télévision est passée du noir et blanc à la couleur. Le coureur a troqué son historique maillot mercier violet et jaune pour une tunique gane bleue et blanche. Le coup de pédale, lui, reste le même au moment où le Français s'envole. Derrière cette attaque de Poulidor, c'est toute une série d'images, de souvenirs, d'émotions qui se superposent. Jeune ou moins jeune, on a vu ou entendu les exploits et les désillusions passées de Poupou qui, au crépuscule de sa carrière, décide de donner du fil à retordre au maître incontesté du peloton à l'époque, Eddy Merckx, le Belge leader du Tour, plus grand cycliste de tous les temps, surnommé le cannibale, pour sa propension à remporter toutes les courses auxquelles il participe. Pour toute épopée, il faut une scène. Et quelle plus belle scène que le Tour de France, cette course qui, tous les étés depuis le début du siècle, revient comme un petit refrain. Chaque année, c'est la même mélodie jouée par des centaines de coureurs juchés sur leur vélo et qui traversent le pays pour se livrer une bataille en 20 actes comme autant d'épreuves. Tout au long du parcours, au-delà des adversaires, on livre combat à la nature. Les longues routes du Nord, face au vent, les montagnes des Alpes et des Pyrénées, le contre-la-montre, ces grands classiques, le Mont Ventoux, le Tourmalet, l'Alpe d'Huez. Une lutte qui a sa propre langue. Pendant des jours, on se met à parler échappée, peloton, classement général ou par étapes. Plutôt rouleur, celui-là, tantôt grimpeur, celui-ci, panache et sacrifice. Dans ce sport qui vaut autant pour l'exploit individuel que la stratégie collective à laquelle en principe on ne comprend rien, entre coups bas et attaques surprises, tout concourt à construire une dramaturgie. Pendant 3 semaines, les Français se délectent des dessins du caricaturiste Pelos, des unes de l'équipe et des analystes de miroir du cyclisme. Ils se ruent sur les routes pour assister au passage des coureurs, crier les surnoms de leurs favoris, s'installent chez eux l'après-midi et suivent à la radio ou à la télé l'avancée des champions. Et depuis bientôt 15 ans, ils se sont pris d'affection pour un champion pas comme les autres. Il s'appelle Raymond Poulidor. Derrière ce nom qu'on croirait inventé pour l'occasion, une légende s'est écrite à coups de pédale. Ce 15 juillet 1974 donc, dans la montée vers Saint-Lary-Soulan, Raymond Poulidor, l'éternel second, va enfin décrocher une victoire attendue depuis des années. Ses fans en sont désormais persuadés. Mais comment expliquer un tel phénomène, une telle popularité? Comme pour les spectateurs en ce 15 juillet 1974, eh bien retournons sur les traces de ce champion en 4 dates et 4 courses comme autant de moments où se sont écrites les grandes lignes d'une carrière d'exception. Et Raymond Poulidor est bien placé, semble-t-il, pour remporter ce Milan-San Remo. Raymond Poulidor, donc, à 500 mètres de la ligne de Milan-San Remo, est toujours en tête. Pourtant, l'avance est infime, vous comprendrez pourquoi nous frémissons encore avant le sprint pour Mika. C'est un franc-plein, en fait, que cette Pierre Romain n'a plus que 300 mètres à faire. Il va avoir beaucoup de mal. Raymond Poulidor a l'emporté, mais non. Il lui reste encore 80 mètres à faire. Regardez le sprint de la deuxième place. Premier Raymond Poulidor, deuxième, avant l'œil. Poulidor, Poulidor. 19 mars 1961, San Remo, main en bas du guidon, dos courbé, bras tendus, tête baissée, la bouche grande ouverte et le visage marqué par la violence d'un dernier effort à la limite du supportable, Raymond Poulidor franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de l'une des plus célèbres courses du monde, Milan-San Remo. Derrière lui, le peloton, lancé à sa poursuite, composé de quelques grands coureurs du moment, n'a rien pu faire. Ce 19 mars 1961, dans les rues de la ville italienne, un champion est né. À quoi pense Raymond Poulidor, âgé de 25 ans, au moment d'inscrire son nom sur la liste des légendes de la classique italienne? Après Coppi, Bartali, Bobet, maintenant Poulidor? Se souvient-il de Monsieur Marquet, le marchand de cycles de Sauvia-sur-Vigne, dans sa Creuse natale, qui lui a offert sa première bicyclette à 16 ans? Se rappelle-t-il ces longues heures passées à rouler avec ses grands frères après le travail dans les champs pour la ferme familiale, de ses premières courses régionales sur les routes limousines sans goudron, et de ses premières victoires au début des années 50, de celles qui lancent la rumeur, oulala, il y a un petit gars là, leader, qui roule fort. Se souvient-il enfin de l'Algérie, appelée sur le front d'où, comme il le dit quand on revient, rien n'a changé, tout est différent? Une parenthèse militaire qui retarde d'ailleurs son début de carrière. Celle-ci commence vraiment en 1960, dans les rangs de l'équipe Mercier, sous la houlette d'Antonin Magne, dit Tonin le Sage, ancien vainqueur du Tour de France dans les années 30, reconnaissable à son béret basque, sa blouse de quincaillier et son vouvoiement constant. Magne ne met pas longtemps à faire de Poulidor le premier de ses poulains, ce que le jeune coureur lui rend bien d'ailleurs, avec cette première victoire internationale à Milan-San Remo. Alors, le nom de Poulidor s'affiche en une, et bien sûr, la télé débarque. Vous connaissez parfaitement la technique de la culture et de l'élevage, vous? Oui, assez bien, oui, assez bien. C'est ce qui vous a rapproché un peu d'Antonin Magne, d'ailleurs. Oui, je crois, oui. Mais est-ce que vous connaissez la technique du vélo? Je crois beaucoup moins, oui. En un an, vous n'avez pas eu le temps d'apprendre encore tout? Non, je connais pas très bien la technique du vélo, mais pour ça, je fais confiance à M. Magne et surtout au mécanicien qui est très compétent dans ce genre d'exercice. À propos de technique, Antonin Magne, à propos de Raymond Poulidor surtout, lorsque l'on parle de vous, on parle toujours un peu de sorcellerie dans le matériel. Je considère que le cyclisme doit se faire sous un plan rationnel et qu'il faut employer au maximum la souplesse de l'athlète. Raymond Poulidor, où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Dans une côte, sur le plat, en descente? Ah ben c'est certainement dans une côte, quoi. Vous croyez que vous êtes un grand grimpeur? Un grand grimpeur, c'est peut-être beaucoup dire, mais je crois passer l'école pas trop mal, quoi. Pourtant, malgré cette première grande victoire internationale, à lire certains titres de la presse spécialisée le lendemain, on est surpris. Ainsi, l'hebdomadaire Miroir Sprint, qui titre « Enfin Poulidor », comme si le champion grand espoir qui commence à peine sa carrière s'était fait attendre. Comme quoi, déjà, cette image du coureur au fort potentiel, mais qui peine à confirmer, s'immisce dans l'esprit du public et des spécialistes. En tout cas, quand Poulidor arrive, le cyclisme vit une période charnière. Le début des années 60 voit le départ à la retraite d'une génération exceptionnelle, celle des Coppi, Bartelli, Coblet, Bobet. En même temps, qu'elle marque en France l'arrivée de nombreux talents au-dessus desquels règne un coureur, un exemplaire unique, disent les spécialistes, Jacques Anquetil. Enfant champion, le Normand est un coureur d'exception. Il a d'ailleurs gagné son premier Tour de France lors de sa première participation en 1957 à un essai, un coup d'essai, un coup de maître. Il avait 23 ans seulement. Une grande boucle qui, à l'époque, se dispute par équipe nationale et dont le leader est forcément, pour le coup, Jacques Anquetil. C'est en partie pour cette raison qu'en Allemagne, l'entraîneur de Raymond Poulidor retarde la participation de son protégé au Tour de France. Il faut attendre 1962 et le changement de formule de l'épreuve qui passe d'équipe nationale à équipe de marque pour voir arriver Poulidor. Première participation et la première accro. Quelques jours avant le début de la course, il chute à l'entraînement et se fracture l'auriculaire. Poulidor, la malchance, écrit ses premières lignes. Le coureur maintient tout de même sa participation et il s'accroche. Première victoire d'étape et surtout premier podium. Son courage lui vaut les acclamations du Parc des Princes, contrairement à Jacques Anquetil, le vainqueur qui remporte là son troisième Tour de France et qui ne reçoit pas autant d'honneur. Il prend sa revanche l'année suivante, au Tour de France 1963, qu'il écrase encore un peu plus de sa supériorité, pendant que Poulidor, lui, s'écroule. Cette fois, c'est lui, Poulidor, mais oui, qui est conspué, et Anquetil, acclamé. Un partout, la roue au centre. Rendez-vous est donc pris pour le Tour 1964. Le public commence à s'impatienter. Poulidor est-il capable de battre le roi Anquetil, si sûr de son fait Colin Froid, cérébral, implacable? Vous avez un sourire quand je vous ai parlé de Poulidor. Oui, on a l'impression que, je vous demande pardon, je vous coupe, on a l'impression que vous jouez au chat et la souris avec lui, que vous vous sentez plus fort que lui, à la fois physiquement et moralement. Bah, c'est quand même pas à moi de le dire, enfin, je ne sais pas. Poulidor est un adversaire valable, c'est un de mes plus durs adversaires dans les courses à étapes. Mais c'est quand même pas à moi, tant qu'adversaire, de juger Poulidor. Si vous n'étiez pas là, est-ce que Poulidor ferait une autre carrière? Ça, je sais pas, c'est pas à moi de juger. Est-ce que sans vous, dans un peloton, sans toute la hantise que ça représente pour lui, est-ce qu'il gagnerait des courses? Enfin, moi, quand j'ai envie de gagner une course, je m'occupe pas de Poulidor. Maintenant, si lui, il a envie de gagner, je sais pas s'il s'occupe d'Anquetil. Juillet 1964, 20e étape du Tour de France entre Brive et Clermont-Ferrand. Un soleil écrasant inonde la route qui monte vers le célèbre Puy de Dôme ainsi que les 500 000 spectateurs présents tout au long du parcours. L'étape auvergnate est une classique de la Grande Boucle. Et ils sont là, tous les deux, Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, vélo contre vélo, coude à coude, Anquetil côté roche, Poulidor côté ravin, et les 5-6 secondes qui les séparent au classement général en faveur de Maître Jacques sont importantes, mais pas forcément fondamentales. Tous le savent, le Tour de France 64 est en train de se jouer maintenant. Depuis son départ de Rennes, 3 semaines plus tôt, cette grande boucle est un incroyable opéra aux multiples rebondissements. Les Français sont scotchés devant leur téléviseur, s'agglutinent le long des routes pour assister à ce duel de haute volée entre les deux Français. Les deux hommes n'ont jamais été aussi forts. Depuis le début de la course, ils se rendent coup pour coup. Avec un Poulidor fidèle à sa réputation, au soir de la 8e étape, alors qu'il devance Anquetil de plus d'une minute, il commet une incroyable erreur à l'arrivée à Monaco en oubliant un dernier tour de piste. Et Anquetil rattrape tranquillement son retard. De son côté, Maître Jacques devient presque suffisant. Lors de la journée de repos, alors que tous les coureurs sortent s'entraîner, il participe à un méchoui organisé par une radio locale. Et on voit Anquetil, le champion, boire de la sangria et soulever quelques côtelettes. Une provocation qu'il paie dès le lendemain. Dans la première ascension, en effet, Anquetil perd pied. Il ne peut pas suivre Poulidor. L'un de ses équipiers n'hésite pas à l'attraper par le coude pour l'aider à monter contre le règlement. Finalement, dans la descente, il refait son retard pendant que Poulidor chute, mais oui. Dès le lendemain, le Limousin se reprend, attaque et remporte l'étape de Bagnères-de-Luchon. Et voilà nos deux hommes dans l'ascension du Puy-de-Dôme, ce 12 juillet 1964, à trois étapes de la fin, tête contre tête, épaule contre épaule. Anquetil semble à bout de force, mais il s'accroche, il tente par moments de passer sa roue devant pour montrer à son adversaire qui est le meilleur. Poulidor, lui, paraît mieux, mais tarde à attaquer. Tous les Français sont suspendus à ce duel légendaire, mais quand Poulidor va-t-il enfin passer à l'offensive? Finalement, à 1 km de l'arrivée. À 3 km du sommet, Bahamonté, c'est toujours à 15 secondes, alors que Poulidor et Anquetil, qui luttent là pour la première place du Tour de France et qui pensent surtout aux minutes de bonification qui se sont enfuies, Poulidor, donc, et Anquetil perdent du terrain sur les deux grimpeurs espagnols. Mais pour l'instant, c'est Anquetil, en fait, le vainqueur, car il réussit à conserver à ses côtés Raymond Poulidor, l'homme le plus dangereux pour lui au classement général, puisque seulement distant de 56 secondes. Mais brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel à toute son énergie, lui aussi pourtant ne pédale pas facilement. Mais il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Autant dire que l'on ne saura que mardi soir qui remportera ce Tour de France, puisque c'est sur le secteur Versailles-Paris, 28 km contre la montre, que Poulidor et Anquetil se départageront. Combien? Voilà le premier mot d'un Jacques Anquetil à bout de souffle au moment de franchir la ligne d'arrivée. Combien de secondes le sépare de Poulidor qui vient de le laisser à quai dans l'ascension? 14, lui répondent les membres de son équipe. Eh bien, c'est 13 de trop, répond Anquetil. Dans cette ascension du Puy-de-Dôme, les deux hommes ont écrit la plus belle page de leur rivalité. Oui, ce jour-là, partout dans le pays, s'affrontaient deux France, celle de Maître Jacques contre celle de Poupou. D'un côté, le Normand, blond, physique longiligne, champion précoce, allure légèrement aristocratique, très classe, il faut bien l'avouer. De l'autre, le Limousin, brun, plus massif, champion tardif, au caractère jovial, l'homme du peuple. Le métronome au sang-froid contre le puncheur à l'instinct, l'homme du contre-la-montre contre celui de la montagne. On en vient presque à durcir le trait pour mieux accentuer l'affrontement. Certains font d'Anquetil un enfant privilégié élevé dans son château contre Poulidor, le fils d'agriculteur. Il n'en est rien, mais le duel vaut bien quelque écart avec la réalité. Entre les deux hommes, l'animosité règne. Anquetil, au palmarès bien plus conséquent que Poulidor, supporte mal que ce dernier gagne plus d'argent que lui. Mais voilà, Poulidor est plus populaire. Il n'y a qu'à voir. Lors des critériums, course d'un jour très suivi à l'époque, c'est bien Poupou que le public veut voir et acclame. Il se prend d'affection pour cet honnête homme, malchanceux, un peu monsieur tout le monde, et éternel second. Mais si Poulidor gagnait enfin, c'est ce que tous espèrent pour ce Tour 1964. Reste donc une dernière étape, un dernier round, le contre-la-montre de Versailles jusqu'au Parc des Princes. Depuis un an, Raymond Poulidor a rattrapé son retard sur Jacques Anquetil, le maître absolu dans ce type d'épreuve. Alors, ils sont nombreux à penser que cette fois, il peut le faire. Avec les bonifications de la victoire, il suffit à Poulidor de devancer Anquetil de 5 petites secondes. Spectateurs au bord de la route, auditeurs accrochés au transistor, Français devant leur téléviseur, tous ont leur chronomètre en main en ce jour de fête nationale. Raymond Poulidor, Raymond, est-ce que vous savez maintenant que tout le tour s'est joué dans les deux derniers kilomètres? Oui, je le sais non, mais je viens d'apprendre que le temps de Jacques Anquetil est inférieur au mien, c'est-à-dire qu'il a mis moins de temps que moi, alors j'ai perdu le Tour de France. Deuxième, même derrière Anquetil, pour vous, c'est une déception? Non, c'est pas une déception. Non. Écoutez, je pense que vous allez pouvoir... Jacques, vous allez pouvoir vous réunir ici, tous les caméras d'Eurovision. Voilà. Voilà, Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. J'espère qu'un jour, tu gagneras le Tour de France, parce que tu le mérites. Et j'avoue que c'est vraiment dur d'être deuxième à quelques secondes. Hein. Ouais, t'es un très bon perdant et je te félicite pour ça, vraiment. Merci, Jacques. Hein. C'est un plaisir. Hein. Et oui, les deux hommes sont là, bras dessus, bras dessous. La voix de Poulidor, qui pense avoir gagné et qui apprend sa défaite en direct, la reconnaissance un peu suffisante d'Anquetil, ébranlée tout de même par un Tour de France qu'il aura subi, mais finalement remporté au prix d'efforts surhumains. Les deux hommes le savent, ce jour-là, ils viennent d'écrire l'une des pages de l'histoire du sport, l'une des plus belles, et d'achever ce que beaucoup estiment encore comme le Tour du siècle. Oui, souvenez-vous, 1964. Jacques Anquetil remporte donc son cinquième et dernier tour, il va bientôt mettre fin à sa carrière. Le départ de son rival va-t-il enfin permettre à Poulidor de remporter l'épreuve reine et de s'imposer comme le numéro un? Ou, au contraire, sa légende aura-t-elle encore une fois raison de lui? sometimes, baby, but that's never. Juillet 1968, 16e étape du Tour de France qui emmène le peloton d'Albi jusqu'à Aurillac. Étrange édition que cette édition qui suit le printemps de la révolte. Anquetil, Adorni ou Altig, les champions sont absents. Reste Poulidor, logiquement désigné comme le grand favori. Une fois encore, cette année, la formule a changé. Elle est revenue à une compétition par équipe nationale et non plus par sponsor. Anquetil parti, Poulidor est naturellement le leader de l'équipe de France et ses coéquipiers doivent enfin mener le champion à une victoire tant attendue. Un champion en bonne position ce 14 juillet puisqu'il se place en 4e position au classement général devant ses principaux rivaux repoussés à plus de 2 minutes. Donc en cette année 68, tout va bien pour Poulidor. Lors des 3 dernières éditions, c'est tour à tour dans le tour, la malchance, la méforme ou sa rivalité exacerbée avec Anquetil qui l'ont empêché de remporter l'épreuve. Mais là, tous les voyants sont au vert. Depuis 15 jours, et depuis le départ, Poulidor a géré la course, maîtrisé les attaques. Il ne reste plus qu'à porter l'estocade dans cette dernière semaine avec le soutien de son équipe. Ce 14 juillet 1968, son équipier Pinjon lance les hostilités et part en échappée. Tout à coup, un vent violent se lève. Le peloton se retrouve coupé en deux. Dans le groupe de tête, Raymond Poulidor et la plupart de ses équipiers. Dans le deuxième groupe, les principaux rivaux du coureur français. Pour une fois, la chance sourit à Poulidor. Il faut en profiter, une occasion pareille est quasi inespérée. Il peut se retrouver en tête, oui, avec plusieurs minutes d'avance. La victoire finale est donc presque assurée. Mais alors qu'on est à 50 km à peine de l'arrivée, Poupou a chuté sur la chaussée gravillonnée, il est touché à la bouche, au nez, aux arcades sourcilières et au niveau interne du genou. Raymond a reçu les premiers soins en roulant, puis à l'hôpital d'Albi hier soir. Et ce matin, il est reparti courageusement. Regardez son genou atteint, regardez maintenant son visage complètement déformé par sa chute d'hier. Raymond Poulidor souffrait ce matin sur sa bicyclette, mais il a fait preuve d'un courage absolument extraordinaire et nous tenons à lui rendre hommage. Alors qu'actuellement, il crève. Nous venons de parcourir quelques kilomètres, Raymond Poulidor a crevé, Raymond Riotte lui passe immédiatement sa roue et Poulidor repart de plus belle, emmené par Jean-Pierre Jeunet. Il y avait 69 coureurs en lice ce 14 juillet 1968. Il a fallu que ce soit sur la roue arrière de Poulidor que la moto tombe. Projeté au sol, le visage en sang, une double fracture au front et des blessures profondes au genou et au coude, le coureur se relève, emprunte le vélo d'un équipier et part à la poursuite de ses rivaux qui n'ont pas attendu, comme le voudrait une règle tacite de fair play. Les Bazaines, ils en profitent même pour accélérer et distancer le Français. En réponse, Poulidor s'accroche. Et contre la douleur, il avance. Au final, il n'aura concédé qu'une minute à ses concurrents. Une performance hors du commun. Mais deux jours après, à bout de force, il abandonne. Ce matin, vous le savez, Raymond Poulidor n'a pas pris le départ. En raison, bien sûr, de la chute qu'il avait faite avant-hier. Raymond Poulidor est donc rentré chez lui, où il a bien voulu recevoir Claude François, notre envoyé spécial, avec Claude François qui lui a demandé s'il ne souffrait pas trop. Je souffre évidemment physiquement, mais le moral aussi, car ce Tour de France, jamais peut-être je n'avais été placé comme cette année pour le gagner. J'avais vraiment une position favorable. Je précédais tous les grands favoris et je m'apprêtais à porter l'attaque dans la Chartreuse, dans les Alpes. Mais vous ne renoncez pas à une victoire dans le Tour, puisque un coureur comme Gino Bartali a tout de même gagné le Tour à 33 ans. Oui, évidemment, mais c'est cette année, comme j'ai déjà dit et que je le répète, c'était l'année où j'étais vraiment le mieux placé pour gagner le Tour de France. Alors je n'envisage maintenant plus l'avenir en jaune. Raymond Poulidor gardera de cette édition 68 une certaine rancœur à l'encontre du peloton et de ses coureurs qui ont profité de sa chute. Loin, si loin de l'attitude qui était la sienne lors de certaines courses où il se mettait au service d'un équipier mieux placé alors qu'il était leader. Le champion français a conscience de cet écart entre l'amour que lui porte le public et l'agacement qu'il provoque chez ses collègues. Le peloton, vous savez, c'est un monde en soi, avec ses codes officiels et officieux, son omerta, sa hiérarchie. Or, Poulidor donne le sentiment d'être en dehors, à côté, trop honnête pour ce petit jeu. On le jalouse, on s'allie pour le battre. Comme si sa popularité, véritable phénomène national, devait avoir son revers. Au bord des routes, dans les rues, pour les journalistes, il n'y en a que pour Poupou. Le public se reconnaît dans ce champion hors norme, sorte de héros maudit et sympathique, à qui il manque le vice, peut-être, la roublardise, certainement, ou l'égoïsme nécessaire pour gagner. Une image qui finit par occulter ses victoires et glorifier ses défaites. Ne finirait-on pas par aimer voir perdre Poulidor? C'est la question allégeante, mais c'est la question. Et lui-même, ne se dit-il pas que le goût de la victoire aurait sans doute moins de saveur que la douleur de la défaite? Ces applaudissements se suffisent à eux-mêmes, et c'est au milieu de cette folle ambiance que je vais vous laisser regarder les derniers mètres d'ascension de Raymond Poulidor. Eh bien, Raymond Poulidor va remporter cette étape devant Lopez, Colantier, Alain Santi a même réussi à lâcher Eddy Merckx, apparemment. À vous, Daniel, nous sommes déviés. Oui. Stop pour Poulidor. Mais Raymond Poulidor remporte une magnifique victoire. C'est la quatrième victoire pour les Français depuis le départ de ce Tour de France. C'était le 14 juillet, c'était hier qu'il aurait dû triompher. Il a gagné avec un jour de retard, mais après tout, à 38 ans, un jour, qu'est-ce que c'est? Ça ne compte vraiment pas beaucoup. Raymond Poulidor est en train de terminer plus que 50 mètres et il va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Je vais déclencher mon chronomètre. Il est tout heureux, c'est une victoire fantastique celle que remporte Raymond Poulidor aujourd'hui. 38 ans et des poussières, un homme heureux, Raymond Poulidor, fatigué bien sûr, mais il y en a d'autres derrière qui le sont plus encore. Retour en ce 15 juillet 1974 à Salary-Soulan, là où avait commencé notre histoire 13 ans plus tôt. Lorsque les Français, petits et grands, regardent Raymond Poulidor, 38 ans, décroché, l'immense Eddy Merckx, ils ne savent pas s'ils doivent y croire ou non. Pourtant, dans ces 6 années qui séparent sa chute autour de 68 à ce coup d'éclat de 74, Raymond Poulidor n'a pas arrêté de surprendre son monde. Alors, à le voir ainsi continuer à courir et à gagner, on se dit finalement que, comme tout héros digne de ce nom, il a peut-être besoin d'un adversaire à sa mesure pour se sublimer, se battre, repousser encore plus loin ses limites. Une fois Anquetil parti, une voie royale lui était ouverte. Il n'a pas su en profiter. Et dès 1969, le cannibale Eddy Merckx est arrivé. Poulidor s'est alors remis à réaliser de nombreux exploits. N'est-ce pas lui qui, par deux fois, en 72 et 73, a volé la vedette du Belge sur la course Paris-Nice quand tout le monde annonçait la fin de sa carrière? N'est-ce pas lui qui vient, le temps d'une accélération au milieu du mois de juillet 1974, de laisser sur place Eddy Merckx pour aller remporter l'une de ses plus belles victoires sur la grande boucle? Je pense que Richard doit être en compagnie de Raymond Poulidor. Oui, Daniel, je suis en compagnie de Raymond Poulidor. Raymond Poulidor, vous avez repris 1,50 à Merckx. Vos premières impressions? Encore plus de regrets du Galibier. Cette victoire, vous l'avez enfin, vous l'avez attendue depuis plusieurs jours, elle est là maintenant. Depuis plusieurs années même, puisqu'il y a longtemps que je n'avais pas remporté une étape dans le Tour de France. 1,50 à Merckx, c'est tout de même beaucoup, vous ne trouvez pas? Oui, c'est beaucoup, et comme je vous ai déjà dit, ça m'a encore beaucoup plus de regrets. Je m'explique toujours pas ma performance du Galibier, ma mauvaise performance, disons. C'est là que vous avez perdu le Tour de France, je crois, Raymond Poulidor. Ben oui, le matin j'étais trop nerveux, j'avais beaucoup d'ambition, et là, elles ont disparu dans le Galibier. Mais aujourd'hui, ma foi, je pense avoir réalisé une très bonne étape. Bravo encore, Raymond. Merci beaucoup. En cette année 1974, Poulidor finit deuxième du classement général, derrière Merckx. Mais c'est pour lui comme une victoire. Le refrain est connu désormais. Finalement, deux ans plus tard, à 40 ans, il met fin à sa carrière après un dernier Tour de France où il s'invite une nouvelle fois sur le podium. Antoine Blondin, trouvera un surnom parfait pour sa seconde carrière de Poulidor, le quadragénaire. L'éternel second, aux plus de 189 victoires, aura eu tout de même le mérite de laisser son empreinte entre deux géants, Anquetil et Merckx, à l'issue de renversements de situation, de drames et d'incroyables coups du sort qu'on n'aurait sans doute jamais osé imaginer. Il faut au moins ça pour bâtir un mythe. À genoux les majorettes, ces demoiselles au parloir, sonnez, résonnez, musette, à nous de la victoire. Dans les cul-de-jatte, ça court les rues, à la poursuite du monde zombie. Non, y'a pas le feu au QG, non, y'a pas le feu au QG, le feu au QG. Ce n'est qu'un arrosoir, un tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais, mais tu tapines en bourre. Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Pas de minuit, mes lunettes, rendez-vous les séchoirs. Sans m'avoir, suis trop pompé pour le César. Smoking, fumé, va de non recevoir. Et tu me la gardes mobile, et tu me la gardes mobile, la garde mobile. Ce n'est qu'un arrosoir, un tomahawk sur l'armoire. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la saga Poulidor. Notre invité Pierre Carré, journaliste à Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, comment, j'ai envie de demander comment va Poulidor, parce que alors, il a 81 ans, vous l'avez rencontré il y a pas très longtemps, je crois. Oui, c'était l'année dernière. Ah bah oui. Alors comment va-t-il? Comme un charme, il a eu droit à un très bel anniversaire chez lui, à côté de Limoges, à Saint-Léonard-de-Noblat. C'était assez mouvant, il y avait toute la population qui venait communier avec cet homme qui est toujours l'homme, alors pas tout à fait du village, parce que c'est une bonne bourgogne. Aujourd'hui, Saint-Léo, comme on dit. Il va toujours chercher le pain, il va déjeuner au routier, il a sa petite table attitrée, il va chercher le journal, tous les matins, l'équipe. Et puis, il sillonne la France des supermarchés. Et donc ? Et oui, parce que Raymond Poulidor ne cesse d'actualiser une biographie, une autobiographie, et il a dédicace à tour de bras, ça se vend vraiment très très bien. Donc il a une Mercedes depuis toujours, qu'on lui avait offerte à l'époque. Et lorsque le concessionnaire avait appris qu'il entretenait cette voiture et qu'elle était toujours flambant neuve, comme lui, à son image, dans le garage, eh bien, ils lui en ont offert une nouvelle. Si bien qu'il est toujours avec sa voiture et qu'il sillonne la France. Bon, c'était une force de la nature, à défaut d'être un coureur cérébral ou stratégique. Hein. C'est une force de la nature, vraiment. Là, c'est un homme de 81 ans qui se porte bien. On sent qu'il y a eu toute une vie de sportif, de muscles. Et une vie de paysan avant toute chose. Bien sûr. Il grandit dans un dénuement qui est absolument incroyable. La première biographie vraiment nourrie de Poulidor s'appelle « La gloire sans maillot jaune » et décrit cette enfance très pauvre, avec l'odeur en particulier de la soupe de châtaigne, avec toute cette vie rurale. Les parents étaient métayers. Mmh. Et Raymond Poulidor le dira, moi je passais devant la pâtisserie et je ne pouvais pas m'acheter de gâteau. Et par la suite, bon, c'est quelqu'un qui finira par avoir beaucoup d'immobilier à Limoges, mais il a vraiment appris ce que c'était. Peut-être aussi, ça correspondait à une France, à une époque, le travail des champs. On l'imagine forcément sympa. Alors c'est peut-être irreçu, je sais pas, mais vous l'avez trouvé. Enfin, c'est un homme affable, facile d'accès, j'imagine, c'est ça? Très. Et puis il garde une popularité qui est assez transgénérationnelle. Ce qui est drôle, c'est qu'il parle encore Raymond Poulidor, y compris aux jeunes générations, celles qui n'ont pas été du tout en âge de le voir à la télé. Alors, il y a une relation évidemment particulière, très particulière entre Poulidor et le public français, peut-être à l'étranger aussi d'ailleurs, je ne sais pas, mais avec le public français. C'est quoi les ingrédients de cette relation hors norme? Alors, c'est cette mythologie que vous avez passée au crible dans la première partie de l'émission. Il y a bien sûr ce duel avec Anquetil qui vient réveiller une dualité, une bipolarité de la France, d'une époque, avec des sensibilités qu'on vient associer à l'un ou à l'autre de ces deux caractères. Et puis, il y a effectivement cette proximité. Alors, Raymond Poulidor, c'est vraiment le champion du peuple, par contraste avec un Anquetil qui serait beaucoup plus patricien. Évidemment, comme dans tout mythe, il y a une petite part de vrai diluée dans une grande part de faux, et puis les deux sont entremêlés pour faire le mythe. Mais c'est le coureur éternel, celui qu'on va retrouver, le champion. Il peut passer devant une boucherie en Ariège lorsqu'il va sur une course qui s'appelle la Ronde de l'Isard, toute petite course. Il va remettre les maillots aux jeunes coureurs, aux champions de demain, et les gens lui disent bonjour Raymond, comme si c'était un personnage qui avait toujours vécu là. Il vit partout. Raymond Poulidor, c'est vous. Raymond Poulidor, c'est moi. Alors, une drôle d'idée m'a traversé l'esprit pendant le récit, je ne sais plus à quel moment exactement, je me disais, mais s'il avait gagné un Tour de France, peut-être que sa légende en eût été escamotée finalement. Alors c'est bizarre, parce que quand on est sportif, c'est pour gagner. Mais des gens qui ont gagné le Tour de France, un seul Tour de France, on les a vite oubliés. Hein, donc il n'a pas gagné le Tour de France. Est-ce que c'est constitutif de sa légende? Est-ce qu'on transforme le négatif? Parce que quand, je répète, quand on est champion, c'est pour gagner, en positif avec lui. On transforme ça en positif, c'est incroyable. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des coureurs de cette époque qui n'ont gagné un seul. 66, Lucien Aymar. 67, c'est Pinjon. Pinjon, oui. Poulidor, zéro. Ouais. Même pas une journée. Vous l'avez rappelé, il a manqué le maillot jaune sur un prologue. Une fois, c'était pour 80 centièmes. Vraiment, on avait l'impression que le sort s'acharnait sur lui. Alors, on dit parfois, c'est un peu abusif, c'est un peu impensif, que les Français n'aiment pas les champions qui gagnent, n'aiment pas les gens qui gagnent. Bah, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il y a dans le vélo une légende des perdants magnifiques, qui commence probablement avec Eugène Christophe. Eugène Christophe, c'est ce coureur qui va reforger sa fourche, qu'il a cassée dans la descente du Tourmalet en 1913. Et puis après, dans les années 30, on a Vietto. Pareil, Vietto, c'est celui à qui il arrive coup du sort sur coup du sort, qui ne gagne jamais, mais finalement auquel on s'identifie tellement. Ça rappelle aussi, par exemple, l'équipe de football des Verts, qui n'a pas remporté la Coupe d'Europe, mais c'est comme s'ils avaient remporté la Coupe d'Europe avec ce défilé au retour de la finale le 13 mai 1976. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils le sont sur ce point-là. Voilà. Donc il y a ce côté-là aussi. En fait, il y a des défaites magnifiques. Oui, plus belles que certaines victoires. Plus belles que certaines victoires, bien sûr. D'accord. Alors, Poulidor, c'est aussi le cyclisme d'une certaine époque, même de deux époques, hein, les décennies 60 et 70. Est-ce que le cyclisme est à son apogée à ce moment-là? Alors aujourd'hui, on court après ce mythe de l'âge d'or, et on a tendance à penser, on se plaît à penser que, alors ça fait écho aussi, hein, comme vous l'avez dit, à une certaine projection que l'on a sur une époque, cette France encore douce et agréable. Bon, évidemment, dans le détail, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, que la France des campagnes est tout sauf riante. Mais c'est vrai qu'on se plaît à penser que le cyclisme des années 50-60 est un âge d'or. Sauf que justement, le René Vietto des années 30 venait hanter les départs ou les arrivées du Tour dans les années 50 et disait « Mes petits gars, l'âge d'or, c'était chez nous. Donc l'âge d'or est toujours avant. » Toujours est-il que c'était un cyclisme de proximité et qu'on a perdu, évidemment, au fil du temps, cet accès aux coureurs. Il y a deux types, finalement, de starification. Il y a la starification hollywoodienne avec des acteurs de cinéma qui nous sont tout à fait inaccessibles, tapis rouge, le luxe débauché, et ils finissent par nous faire rêver comme des dieux. Mmh. Et puis, il y a la starification du coureur cycliste du Tour de France. On rappelle quand même à l'époque, c'est le sport numéro un, le Tour de France, devant le football. Et le champion peut le toucher. On peut lui taper sur l'épaule. Il n'y a pas de barrière. On l'appelle Raymond, on le tutoie. Et finalement, c'est pour ça qu'il parle à tout le monde, Raymond Poulidor. Et est-ce que le fait que les vélos soient maintenant devenus avec des formes quasiment futuristes, on a du mal à s'identifier quand on est cycliste soi-même. Il y avait un côté, dans les années 60 et 70, à peu de choses prises, ils avaient les mêmes vélos que les nôtres. Oui. Aujourd'hui, c'est tellement professionnalisé, avec une technique incroyable, qu'on a l'impression qu'ils sont plus loin de nous. C'est vrai, mais la France faisait du vélo à cette époque. Ouais, beaucoup. C'était encore une France ouvrière, c'était une France agricole. On allait au travail en vélo, et forcément, on l'a largement perdu, cette pratique. Dis-moi, Père Carré, on parle toujours de Poulidor, le second, l'éternel second, mais il ne faut surtout pas dire l'éternel perdant, parce qu'il a un vrai palmarès. Il n'y a pas que le Tour de France dans la vie, même si le Tour, c'est la plus grande course cycliste du monde, je crois, la plus prestigieuse, avant le Giro italien et la Vuelta espagnole. Oui, tout à fait. C'est le coureur qui a perdu finalement beaucoup de Tours de France, mais d'abord, il est recordman des présences sur le podium en 14 participations. Il va monter 8 fois sur le podium, et puis c'est aussi l'homme des 189 victoires. Ah voilà, on arrive là. Tout à fait. C'est une formule d'un collègue qui s'appelait Jean-Claude Garraud qui rappelait très très bien ce fait. Et par exemple, il remporte 2 fois Paris-Nice, 2 fois le Critérium du Dauphiné, Milan-San Remo. Ouais. Ce sont évidemment des belles courses. Il aurait pu peut-être être champion du monde, mais là aussi, sa rivalité avec Anquetil va le rattraper, car les deux hommes se neutralisent et ils vont perdre. C'était à Nürburgring. Pardon, je suis en train d'écorcher le nom de l'Allemagne. Voilà, tout à fait, sur le circuit automobile. Et il aurait pu être champion du monde. Il aurait pu gagner plus, mais finalement, 189, ça fait une bonne moyenne de 10 victoires par an. Et concernant le Tour de France, le destin de Poulidor, c'est un peu celui de Salieri face à Mozart. Il a la mauvaise idée de vivre en même temps que lui. Être contemporain pour Poulidor de Anquetil, et après, pire que tout, de Merckx. Anquetil et Merckx. Comment voulez-vous faire un chemin entre ces deux-là? Merckx, on dit que c'est le plus grand cycliste de l'histoire du cyclisme. Oui. Je ne sais pas si vous partagez ça. Oui, oui. Bon, voilà, quand il y a Merckx quelque part, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, c'est effectivement des personnes qui sont nées au mauvais moment. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'il y a des tours dits de transition qui, à l'époque de Poulidor participants, ont été gagnés par des outsiders. Ouais. Celui de 66, celui de 67. Oui. 66, bah, là aussi, c'est finalement un peu comme le championnat du monde. Ça va être une neutralisation avec Anquetil. 67, de nouveau. La malchance, une chute encore en descente, encore. Cette fois-ci, c'est dans le ballon d'Alsace. Finalement, même les tours qui étaient à sa portée, il ne les remportera pas. Et vous parliez beaucoup du tour 64, qui est un tour emblématique. Oui. Alors, en fait, vous l'avez rappelé, il se trompe sur l'arrivée de Monaco. Ça se termine donc par un tour de stade. Il croit qu'il arrive et en fait, il reste encore un tour à courir. Et malheureusement, s'il s'était imposé, il aurait pris une minute de bonification et c'est la minute qui lui a manqué pour gagner à la fin. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Peut-être un manque de rigueur, la preuve. Pourquoi il tombe tout le temps? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas assez cycliste pour le savoir. Est-ce qu'il lui manque cette ruse, ce côté stratégique qu'Anquetil avait? Merde, je ne sais pas, mais Anquetil. Alors oui, et il lui manque peut-être un directeur sportif roublard. Parce que vous parliez d'Antonin Magne. Antonin Magne était quelqu'un qui était enfermé dans une droiture qui l'honore, mais le cyclisme est aussi un sport de vis et de combine. Par exemple, quand en 64 il tombe après la descente de l'Envalira où Anquetil est en perdition, si Anquetil réussit à revenir sur Poulidor, c'est parce que le mécanicien de Poulidor est un jeune qui est sous-payé, qui ne sait pas comment le dépanner et qui en plus au moment de le pousser pour repartir, le fait tomber et donc l'achève. Et puis, finalement, en face, il y avait Gemignani, le directeur sportif d'Anquetil, qui était Raphaël, lui. Raphaël, c'est ça? Absolument, qui lui était la malice incarnée, qui n'hésitait pas à payer parfois des rivaux, passer des protocoles d'accord, à créer des alliances. Et Poulidor, finalement, s'y est toujours refusé. Alors, est-ce qu'il manquait d'ambition? Là, vous n'allez pas répondre. On va écouter Raymond Poulidor répondre lui-même à Jacques Chancel. C'était en 1972, le 10 janvier 72. Le monde entier, le monde sportif connaît Raymond Poulidor. Est-ce que vous vous connaissez bien, vous? Disons que je me connais peut-être assez mal. Disons que je n'ai jamais été un garçon très ambitieux. Jamais je n'ai eu beaucoup d'ambition. Je me suis souvent contenté de ce que j'avais, de ce que je faisais. Si un jour je faisais deuxième, je disais, ma foi, il n'y en a qu'un devant moi. Si je faisais troisième, il y en avait deux, et ainsi de suite. Alors peut-être que ça m'a joué de mauvais tours, de vilains tours, mais ma foi, je ne regrette rien. Enfin, vous dites que vous n'êtes pas ambitieux, mais vous êtes tout de même orgueilleux. Vous avez envie de battre Merckx. Vous avez envie de faire de grandes choses. Et vous les avez faites, ces grandes choses. Alors, vous étiez poussé par quoi, si ce n'est pas l'ambition? C'était l'envie de sortir de votre milieu? Mais je crois que c'est surtout pour l'amour du vélo. Je crois qu'avant tout, j'ai aimé beaucoup le vélo. Et si j'en fais encore en ce moment, comme un débutant, je crois que c'est cet amour qui m'est resté en moi et qui me permet de me maintenir aux avant-postes, au premier rang des pelotons. Raymond Poulidor, cette place de second vous colle au guidon. Vous savez que maintenant, même en politique, on dit de fer, c'est le Poulidor de Mitran. Vous êtes devenu un personnage national avec un numéro 2 et vous moquez de vous-même et vous riez de tout cela. Est-ce vrai ou alors est-ce que ça vous fait de la peine? Évidemment, c'est une légende qui s'est créée et cette légende s'est créée surtout dans le Tour de France avec nos duels avec Anquetil et ailleurs évidemment. Mais c'est surtout dans le Tour de France qu'on a remarqué que j'étais un éternel ce deuxième. Mais évidemment, j'ai quand même remporté de belles épreuves. Et je pense que lorsqu'on gagne de belles épreuves et qu'on est souvent deuxième et quelquefois pas toujours derrière les meilleurs coureurs du moment, je crois malgré tout que c'est une référence et que c'est assez bien. Raymond le fataliste. Pourtant, il y avait Jacques en face, hein. Mais bon, c'est tombé sur Poulidor. Ça, c'est quand même étrange pour un sportif, parce que ce qu'il oublie peut-être, Poulidor, c'est qu'il avait des fans, et que les fans auraient tellement aimé qu'il gagne une course. Ah oui, le jour de son anniversaire, il pouvait recevoir 12 000 lettres, Poulidor. Ce qu'il a gagné, c'est finalement l'amour du public, et c'est une légende. Il dit lui-même, si j'avais remporté ne serait-ce qu'un Tour de France, peut-être ne serait-ce que porté le maillot jaune un jour, alors mon nom ne serait pas devenu un nom commun. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La rivalité avec Anquetil, est-ce que c'est une rivalité aussi entre deux France? Oui, alors on a imaginé la France des villes, la France des champs, donc les villes, ça aurait été Anquetil. Il avait un château, alors sur la fin, par contre, il est à né... À côté de Rouen, oui, Anquetil, oui, mais il est né dans une ferme, son père était, quasiment une ferme, disons, mais petite maison, et son père était producteur de fraises. Il vient pas du tout d'un milieu aisé, Anquetil, et par la suite, son rêve était d'ailleurs de posséder lui-même une ferme. Et le paradoxe, c'est que Poulidor, lui, n'avait aucune envie d'y repartir, parce qu'il savait trop d'où il venait, et donc il achète un petit pavillon. La France des villes, la France des champs, la France gaulliste peut-être. On se plaisait à imaginer parfois Anquetil plutôt du côté du pouvoir, ce qui d'ailleurs était faux. Hein. Et Poulidor, lui, avait des sympathies connues pour être communiste. Mais c'est avéré ou pas? Oui, c'est avéré. D'accord. Il était très proche des gens de l'humanité. C'est d'ailleurs un journaliste communiste du nom de Émile Besson, l'écho du centre à l'époque, qui a trouvé son surnom, Poupou. Ok. Bien. Alors, il y a la rivalité avec Anquetil et on constate aussi que Poulidor n'est pas forcément apprécié au sein du peloton, alors qu'on le jalouse. Bah oui, on jalouse toujours ceux qui sont plus forts. Mais enfin bon, il y a une affaire, notamment en 66, lors du Tour de France. Poulidor est le premier coureur à être contrôlé dopage, antidopage. Le lendemain, Anquetil et d'autres décident de ne pas prendre la route. De grève, Poulidor ne se mêle pas de ça. Ça a joué un tour sur son impopularité au sein du peloton. Le contrôle antidopage de 66. Ouais, le fait que Poulidor dise bah oui, il y a un contrôle, bah moi je continue, ok, le lendemain je vais travailler, les autres n'étaient pas contents. Il est assez légitimiste, contrairement à Anquetil le frondeur. C'est vrai qu'il y avait aussi ce côté-là qui peut jouer dans leur opposition. Le peloton tenait assez rigueur à Raymond Poulidor d'être, comme on disait, pingre. Ça tenait lieu en partie à son extraction paysanne et à la légende du Limousin. Hein. C'est parfois ce qu'on dit, voilà, dans les mythes ruraux. C'est un peu attesté quand même. Je vous parlais de la Mercedes qu'il n'a jamais changée. Je pourrais aussi vous parler d'une paire de chaussures qu'il a traînées pendant plus d'une quinzaine d'années, alors qu'il avait largement les moyens. C'est quelqu'un aussi qui fait encore aujourd'hui d'ailleurs des chèques un peu partout où il passe, parce qu'il sait très bien que les commerçants ne les encaissent pas. Trop heureux d'avoir finalement l'autographe de Raymond Poulidor au bas d'une feuille de papier. Donc le peloton lui reprochait ce fait. Et c'est vrai que vous avez raison, le 66, le contrôle antidopage marque aussi un tournant dans l'histoire du Tour de France, parce que on va passer d'une certaine insouciance à ce qui va devenir après un fléau avec un mort qui va pourrir ce sport. Oui. On en est où d'ailleurs avec tout ce qu'on a vu concernant le dopage dans le cyclisme? On en est où dans ce sport-là par rapport à ce fléau du dopage aujourd'hui? Est-ce que les efforts qui ont été menés, les répressions aussi, est-ce que tout ça a porté ses fruits? Oui, en partie. Il serait inexact de dire que les mécanismes culturels ont totalement prévalu et qu'il y a une sorte de reproduction sociale du dopé au sein des équipes via les entraîneurs, via les figures fortes du directeur sportif, du médecin, etc. Donc il y a vraiment eu une prise de conscience aussi, parce que on est allé certainement très très loin dans la falsification du résultat et dans la pression qu'a exercé ensuite l'opinion, les journalistes, des procès. Pour autant, Bon, on est dans une zone qui est grise aujourd'hui, grise, d'un gris clair, d'un gris foncé, ça dépend des moments. On souffre beaucoup trop aussi de la permissivité qu'on accorde à une classe de médicaments qui s'appelle les corticoïdes, qui sont légalisés de fait par les règlements, parce que bien souvent couverts par des ordonnances et qui ont des effets. Les corticoïdes étaient utilisés déjà à l'époque, à la fin de l'époque Poulidor. Anquetil disait qu'on ne pouvait pas gagner le Tour de France à l'eau claire. Alors, à son époque, c'est manifeste. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai. Tom Simpson, ce coureur qui s'est écroulé sur son vélo, c'était aussi un problème de dopage. Alors, on a su ou pas ça ? Oui, oui. Mm-hmm. Alors, bon, il est mort d'un collapsus cardiaque, c'est ce que révèle l'autopsie. Il est mort en réalité de plusieurs facteurs combinés. Une insolation, il faisait très chaud ce jour-là. De l'absorption manifeste d'alcool au pied, parce qu'à l'époque, on avait tendance à s'exciter avec l'alcool. Et en plus, on pensait que l'alcool était un bon désaltérant. Et puis, effectivement, on a retrouvé des cachets d'amphétamines. On savait que ça en était un gros consommateur, qu'il était en voie de renégocier son contrat. Et finalement, d'un surmenage aussi, il aurait dû s'arrêter. Et le dernier mot qu'il prononce à son directeur sportif, c'est « remets-moi sur mon vélo ». On va terminer, Pierre Carré, avec les espoirs français, le cyclisme français aujourd'hui. Je pense à Thomas Pinot, Romain Bardet, ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire que le cyclisme français se porte bien, là, depuis 2-3 ans ? Oui. Où en est-il, le cyclisme français ? Alors, on a laissé passer l'épisode des pressogènes de l'affaire Festina en 1998. On a laissé passer une génération sacrifiée de coureurs auxquels on a longtemps dit que s'ils ne gagnaient pas, c'était à cause du dopage. Et aujourd'hui, justement, le temps est passé et est venue une génération qui est relativement débarrassée de ce fardeau. Et avec des coureurs qui sont tous les deux nés en 1990, donc Thibaut Pinot et Romain Bardet, c'est vrai que c'est la première fois probablement depuis Richard Virenque dans les années 90 que la France tient un possible vainqueur du Tour de France. Pierre Carré, toute dernière question, puisque Libération est notre partenaire, on s'intéresse à la vie de ce journal, la façon dont il travaille. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le réflexe d'aller prendre Libération pour l'information sportive. Il n'y a pas forcément le réflexe. Ceux qui lisent Libé lisent aussi les sports dans Libé. Est-ce que vous avez, vous, en fonction de votre ligne éditoriale, en fonction de l'image de ce journal, de son histoire, une façon de couvrir le sport qui s'arrêterait pas, peut-être pas au sport, mais aux faits de société s'y attenant? Enfin, je sais pas, quelle est votre ligne éditoriale à Libé ? Alors, on n'a pas beaucoup d'un 20 secondes. Alors, c'est de la liberté avant toute chose. On a une riche tradition autour du sport, et en particulier autour du vélo et du Tour de France. On aime raconter les hommes, on aime raconter les coulisses, et pas nécessairement perpétuer le mythe dans ce qu'il a de plus faux, mais aussi raconter des mythes réels. Un Poulidor réel, finalement, c'est fabuleux. Ça se raconte, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'histoire, c'est de la géo, c'est de l'économie. Et c'est ce qu'on vient de faire un peu. Hein ? Absolument. Merci infiniment, Pierre Carré. Au revoir, bientôt, à la prochaine fois. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Poulidor, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons une question lourde de sens et de conséquences, celle des pesticides.